On est entré là dans un débat qui me semble très intéressant. Je dois vous dire que là, je corrige les épreuves avec Eliadade d'un livre collectif. Et à la fin de l'introduction, il y a marqué, et l'éditeur n'a pas fait de remarque, hein, ce travail se réclame du label de qualité ANR Free. Moi, de prime abord, alors le problème c'est que j'ai pas faim. C'est ça la question. J'ai pas faim, donc je ne mange pas de ce pain-là. Mais alors évidemment, hein, je comprends qu'il y ait des gens qui aient faim.